Salam alaikum. Pour moi, il était presque, je sais pas, on va quand même dire presque obligatoire de faire un audio en ces temps un peu où l'air est un peu, on va dire, un peu maussade. Je m'explique. Ces derniers mois, notamment, il y a une sorte de clash entre prédicateurs, ce qu'on va appeler les prédicateurs officiels, entre guillemets, les prédicateurs de la rue ou de l'ombre, entre guillemets, des clashs interposés, etc., similaires un peu au clash de la culture hip-hop, etc. Et malheureusement, ça déteint un peu sur l'image islamique et sur le sérieux de l'islam. Mais avant de commencer l'audio, déjà, qui je suis, ben, parce que voilà, c'est quand même un tout petit peu important de savoir qui on écoute. Ben déjà, je ne suis personne. Et Allah Azawajel est témoin que ce n'est pas de la fausse modestie. Je ne suis personne dans le sens où je ne suis qu'un simple autodidacte avec, c'est vrai, un certain vécu malgré ma vingtaine d'années dans le milieu, on va dire, islamique. J'ai vu un peu, voilà, j'ai vu un peu l'éclectisme de la sphère musulmane, les plusieurs groupes, plusieurs tariqats, plusieurs façons de voir l'islam, etc. Et voilà, avec cette expérience vécue et compagnie, voilà, je suis une sorte, on va dire, d'observateur. J'ai fait des audios à l'époque, dont certains, je suis revenu dessus. Mais malheureusement, je n'ai plus la responsabilité parce que certaines personnes ont pris mes audios et les ont mis dans d'autres comptes, etc. Mais enfin bref, les audios que j'ai fait à l'époque, il y avait l'orchestration médiatique autour des talibans. C'est un audio que j'avais fait à peu près il y a 5-6 ans, dans lequel je défendais l'honneur des talibans et la propagande médiatique qu'il y avait sur eux. L'islam et la démocratie en 21 points, qui était la lecture d'une analyse sous forme un peu schématique entre l'islam et la démocratie. Et les autres audios, je m'en souviens plus, mais les autres audios, dont certains où j'ai été un peu trop frontal, on va dire, hein, dû, on va dire, un peu à mon côté vif et jeune, hein. Je parle comme si j'ai fait la guerre du Vietnam. J'ai même pas 30 ans, mais je veux dire, on va dire, à l'époque où j'étais un peu plus vif, cela, je reviens dessus, mais j'ai plus la possibilité de les retirer car beaucoup de personnes les ont pris, les ont fait tourner. Donc les seuls audios dont, bien sûr, je suis fier de les avoir faits, il n'y a aucun problème là-dessus, c'est l'orchestration médiatique autour des talibans et l'islam et la démocratie en 21 points. Le reste, voilà. Bon, donc pour revenir au vif du sujet, donc je disais, on vit dans une époque dans laquelle, malheureusement, dans une époque, surtout notamment ces derniers mois, où il y a une sorte de clash entre prédicateurs et compagnie, etc. Et si vous voulez, pour moi, ça symbolise un peu, voilà, c'est comme la droite et la gauche. La gauche, on va dire que c'est les prédicateurs officiels, ceux qui se montrent, voilà, devant les caméras, etc., qui organisent des événements. Et puis, tu as la droite, qui symbolise un peu les prédicateurs de l'ombre ou de la rue, voilà, ceux qui font des audios, bien ceux qui donnent des cours de façon un peu hors officiel, hors conventionnel, etc. Et on a l'impression, voilà, que c'est une sorte de, voilà, ping-pong, chacun tire sa balle. Quand ça rentre dans le domaine de la réplique un peu hagarisante, dirais-je, on rentre dedans. Et puis quand ça rentre un peu dans la réplique de l'ordre théologique, on rentre dedans. Mais voilà, on a l'impression vraiment que c'est similaire à la culture du hip-hop. Et ça devient un peu consternant, voire trop consternant. Et ma conclusion par rapport à ça, mon observation, ma modeste analyse de simple, excusez-moi du terme, glandeur autodidacte que je suis, c'est qu'au bout d'un moment, on est en droit de se poser des questions et trouver des solutions. Le truc, c'est qu'on a tous le même référentiel, le Coran, la Sunna, et je vais même aller encore plus loin, on a à peu près tous le même référentiel parmi les savants anciens. Donc les prédicateurs dont je tairai les noms, je ne suis pas là pour dire des noms, que ce soit des deux côtés, que ce soit les frères prédicateurs de l'ombre ou les frères prédicateurs entre guillemets officiels, je ne suis pas là pour citer des noms. Mais nous avons tous un point commun, c'est que bien sûr nous avons le même référentiel qu'est le Coran et la Sunna, mais en plus de cela, nous avons le même référentiel parmi les savants anciens, et c'est très important. Ce qui fait que nous sommes à peu près du même manhaj. Et les divergences ne sont pas dogmatiques. Quand on regarde bien la chose avec subtilité et esprit objectif, elles ne sont pas dans l'ordre du dogme. Elles rentrent plus dans le cheminement, dans une sorte de lazim, dans ce qu'on peut appeler Ouais, le cheminement par rapport à ça, si on prend un exemple pour que les gens comprennent, donc il y a certains frères prédicateurs de l'ombre et de la rue, voilà, qui attaquent certains prédicateurs officiels, entre guillemets, parce qu'ils disent, ouais, par rapport au vote, vous avez permis, ou bien vous n'en parlez pas assez, vous êtes assez apolitique, etc., etc. Déjà, faut se mettre d'accord sur le fait, faut se mettre d'accord, et on est d'accord, c'est ça le pire, que ça soit les prédicateurs, entre guillemets, officiels, les prédicateurs conventionnels, qu'on peut appeler ça comme on veut, et les prédicateurs de la rue, on est tous d'accord pour dire que les savants que nous écoutons, et ça peut aller de Sheikh Fawzan à Sheikh Abdelmohsen Abed, à Sheikh Abou Mohamed Al-Maqdisi, à Sheikh Ali Khoder, à Sheikh Abdelrahman Al-Barak, Hafidhahullah, etc. Ça peut aller dans cet éclectisme-là. Ils sont tous d'accord pour dire que la démocratie en elle-même est du coffre. Son système en lui-même est du coffre. Là où il y a la divergence, c'est l'azim, c'est le cheminement par rapport à ça. C'est par rapport au vote. Certes, c'est du coffre, mais en même temps, dans certains cas, est-ce qu'on peut voter? Certains savants ont émis tel avis juridique et tel effort de compréhension. D'autres sont catégoriques. Mais ça ne rentre pas directement dans le dogme. Il ne faut pas rentrer dans l'erreur dont sont tombés ceux qui ont exagéré dans le tekfir, les extrémistes, à savoir retirer et estomper toute forme d'empêchement du rejet de l'anathème, du jet de l'anathème. Hein? Et parmi cet empêchement-là, bien sûr, il y a le cheminement. Il y a aussi l'ignorance de la situation, qui est totalement le contraire aux antipodes de l'ignorance du shirk. Il y a, bien sûr, après, il y a l'emmêlement de la langue, la contrainte, etc. Mais je veux dire, par là, c'est que nous sommes tous d'accord sur ce point-là. Et d'autres vont permettre le vote, d'autres vont être catégoriques. Moi, personnellement, avec la modeste recherche que j'ai faite depuis des années par rapport à ça, j'ai lu les avis de certains savants qui permettaient le vote, dans certains cas, ceux qui étaient catégoriques et l'interdisaient, etc. Moi, personnellement, je suis convaincu que le vote est interdit. Personnellement, je suis convaincu, mais pour moi, ce n'est pas juste d'un point de vue théologique. Pour moi, c'est carrément d'un point de vue historico-politique, parce que je n'y crois pas en la démocratie. Que ce soit de Platon, en passant par René Guénon, en passant par Julius Evola, etc. Platon lui-même critiquait le système démocratique dans son traité Politicae, etc. Même Jean-Jacques Rousseau, qui faisait une sorte d'apologie de la démocratie participative, critiquait quelque part la démocratie, etc. Donc, déjà pour moi, d'un point de vue historico-politique, déjà pour moi, c'est de la foutaise. Donc je ne rentre même pas dans le point de vue théologique, avec les versets mentionnant la législation, le tahkim, etc. C'est même pas ça. Donc déjà, pour moi, je suis convaincu aussi bien d'ordre théologique, mais surtout d'ordre historico-politique. Et les personnes qui font certaines recherches par rapport à ça verront, l'histoire nous fait comprendre. Pour moi, et j'irai même encore plus loin, pour moi, les votes n'existent pas. Pour moi, les comptages de voix ne sont pas pris en compte. Parce que c'est au même état que beaucoup de personnes critiquent, à longueur d'année, en disant sionistes, collabos de l'OTAN, là là, vous nous maltraitez, vendus, etc. Ben, ces mêmes personnes qui critiquent l'État toute l'année leur fait confiance quand il s'agit de l'honnêteté du comptage des voix. C'est un peu paradoxal, c'est de l'antinomie par excellence. Mais bon, enfin bref, donc voilà, chacun voit midi à sa porte. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, par exemple, voilà, moi, je suis convaincu que le vote est illicite, que ce soit islamiquement parlant, et pour moi, l'histoire et les sciences politiques le prouvent. Et les facteurs qui ont joué là-dedans, qui en découlent. Mais est-ce que pour autant je vais directement mettre une frontière, une barrière, hajar directement, traiter, voire de kafir, de mécréant, d'apostat, de mortel de la personne qui sera d'avis opposé, tout en bien sûr comprenant bien sûr que la démocratie en elle-même est un système de coffre, etc. Ne pas rentrer bien sûr dans ce que certains, par erreur, mais ont essayé de comparer la démocratie et Shura, qui n'a strictement rien à voir. Ah oui, d'ailleurs, il y a aussi un de mes audios, enfin, qui date aussi de quelques années, je sais plus où il est, qui s'appelle « La démocratie est-elle Shura ?» Donc c'est là aussi, je valide, hein, je ne suis pas contre. Mais sinon, les autres, voilà, j'étais un peu trop frontal. C'était l'époque, on va dire. Mais voilà, donc ce que je veux dire par là, c'est que on va directement les attaquer par rapport à ça, alors que non. Le but, c'est quoi? Le but, c'est pas de se réunir autour du tawhid. Et pour se réunir autour du tawhid, qu'est-ce qu'il faut? Il ne faut pas étudier les conditions de la hikma, les conditions du dialogue, les conditions de la discussion. C'est à force, je veux dire, à force d'être toujours dans la critique. Donc, en gros, il y a les mauvais prédicateurs, et puis il y a les bons, et puis de l'autre côté, il y a les bons prédicateurs, et ceux qui viennent de la rue, ils ont qu'un bagage, et on les hagale, et puis chacun va hagale un autre. Ça va servir à quoi? Quelle sera la finalité là-dedans? La finalité là-dedans, elle va servir à quoi? Quand on essaie de construire une maison, le but c'est quoi? C'est d'arriver à la fin et de voir la maison entière avec tout ce qu'elle doit comporter, le grenier, la cuisine, le truc, ou bien c'est seulement de mettre des briques pour mettre des briques. Le but c'est de voir une finalité. Ce que ça va engendrer, ce que ça va donner. Donc qu'est-ce que ça va donner le fait de toujours s'attaquer, faire des clashs, comme on dit? Donc on a l'impression de rentrer dans une sorte d'islam skyblocko, bling-bling, où tout le monde se clash, etc. Alors que non. Non. Le truc, c'est quoi? Comme a dit l'imam Shafi'i, l'imam Shafi'i, il a dit que à chaque fois que je vais discuter avec mon frère avec qui j'ai des divergences, je prie Allah pour que notre but soit que la vérité nous éclaire, que celui qui a faux se repent, tout simplement, et que l'ennemi devienne mon orgueil. C'est ça le but de la discussion. Le but n'est pas de lâcher, voilà, de la joute verbale, une dialectique à coups de pique, etc. Mais attention, et d'un autre côté, j'appelle pas aussi à l'angélisme, hein, au Francis Lalannisme, dirais-je. Hein. Non, d'un côté, il y a certaines personnes qui méritent qu'on soit dans l'ordre du frontal avec eux, bien sûr. Hein, quand on analyse un peu la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a certains moments où il était, mashallah, il était, voilà. C'est comme par exemple quand il parlait des innovations dans le Sahih Muslim, tome 1, dans les dernières pages, quand il avait retiré le talisman sèchement et froidement d'un compagnon qu'il portait là sur son poignet gauche en pensant que ça lui portait bonheur. Donc il y avait certains moments où le prophète sallam était frontal, mais il savait pourquoi, parce que c'était ça la hikma. C'est ça la hikma, comme les gens de science, comme les savants le définissent. La hikma, la sagesse, c'est quoi? C'est être doux avec qui il le faut, quand il le faut et comment il le faut, et être dur avec qui il le faut, comment il le faut et quand il le faut. Donc d'un côté, j'appelle pas aussi à l'angélisme. Certaines personnes qui viennent, qui vont insulter les compagnons de tous les noms et qui vont commencer à propager du shirk à longueur de journée, à permettre une sorte de tawassouf al-qubur à longueur de journée, à permettre l'association divin, etc. Bien sûr, aller vers lui avec une pédagogie, discuter, mais si ils persistent et en plus continuent à insulter, etc., à certains moments, faut être sec avec eux. D'accord, là, mais là, je parle même pas des groupes qui sortent un peu de la sphère de notre référentiel commun. Là, on parle entre frères qui ont à peu près le même référentiel. Donc, à force de se lancer des étiquettes, lui, c'est un type de la rue, c'est un vieux autodidacte tout pourri, et lui, il travaille pour le PS, etc., on va aboutir à rien. À rien du tout. Et c'est une maladie du cœur. Moi, en premier, je faisais cette erreur plus jeune. Certes, j'ai eu un vécu, j'ai connu à peu près plusieurs groupes, etc. Il y a eu un certain moment où on étudiait avec Cheikh Rajihi, Hafidhahullah, par téléphone fixe. J'ai étudié un peu le fiqh chez Abu Shaima, etc. Enfin, j'ai eu quelques professeurs, etc. Enfin, quelques professeurs, etc. Mais voilà, je suis quelqu'un qui est plus autodidacte. J'ai beaucoup appris par moi-même. Enfin, beaucoup. Parce que le peu que je sais, je l'ai appris par moi-même. Mais d'après ce que j'ai analysé autour de moi, je vois que cette solution-là, c'est-à-dire se regrouper. Se regrouper. Quand on n'est pas d'accord avec un frère, voilà, un certain prédicateur dont je tairai le nom, ouais, cette vidéo n'a pas d'utilité, ou pourquoi il fait ça, allez lui parler. Et ça doit être vice-versa, ça doit être mutuel. Tout comme eux, ils vont entendre une sorte de prédicateur de l'ombre, ou prédicateur clandestin, entre guillemets, qui a tel avis. Il sait, si c'est son frère et qui veut son bien, si qui veut qu'il y ait la mahabba qui s'installe, bien sûr, sans dénuer, sans retirer, sans estomper la véracité, la conviction du tawhid pur, lui aussi, il va essayer d'aller lui parler. Parce que le but commun, c'est quoi? C'est d'élever la parole d'Allah Azawajal. Donc voilà, on est en droit de se poser la question, jusque quand ce genre de clash qui me fait penser à la culture du rap, etc., vont continuer. Pareil. C'est comme un frère dont je tairai le nom, qui a eu beaucoup de problèmes avec la justice belge, etc. Il s'est fait lyncher, on a bafoué son honneur. Pour certains, voilà, ils sont persuadés qu'il a tel statut, etc. Parce qu'ils ont eu certaines infos sur lui, donc ils peuvent se permettre d'être secs avec eux. Moi, personnellement, les infos que j'ai reçues, pour moi, ne sont pas juridiquement, islamiquement parlant, considérées comme des preuves. Pour moi, ça reste un frère. On peut être contre sa méthodologie, contre sa pédagogie, mais de là bafouiller son honneur, ça se fait pas. Voilà, donc allez le voir. C'est ça le truc, c'est que j'ai l'impression que le net a bousillé, a détruit la nature de beaucoup de personnes. Et donc on se contente de clasher, d'avoir une joute verbale, une dialectique, une prose. Subhanallah, par moment, est-ce qu'on se pose la question en se disant, peut-être que je vais tomber dans l'ostentation. que ça soit enfin, sur le net, dans les forums, etc. Tu vois, à coup de commentaires pour bien se montrer, et on attend avec impatience jusqu'à ce que la Zouliha ou bien la Rachida va aimer notre commentaire. Non. T'es en divergence avec un frère, contacte-le. S'il est ta région, va le voir, Inch'Allah. Même s'il n'est pas ta région. C'est ce que je fais, moi personnellement, c'est ce que je fais. Quand je vois un frère qui a un certain potentiel, etc., mais avec qui j'ai une certaine divergence, on parle entre nous, et puis je le vois. Je compte même plus le nombre de frères que j'ai rencontrés. De France, d'Hollande, même enfin, d'Allemagne, Belgique, etc. Même un frère qui est venu du Maroc, qui est venu ici 2 semaines, avec qui j'ai échangé avec lui sur Internet, qui avait une vision un peu coraniste, on va dire du Coran, qui rejetait pour lui, voilà, pour lui, le hadith était une sorte, entre guillemets, d'imposture. Astaghfirullah, bien sûr que je ne partage pas, mais je l'ai vu, on a dialogué, etc. Je lui ai passé quelques ouvrages par rapport à ça, et puis voilà, puis lui de son côté, il a dit qu'il va voir. Donc pourquoi toujours se limiter à coup de clash, à coup de. Voilà, on a l'impression d'être vraiment dans, je sais pas moi, Skyrock ou le monde du rap. Et voilà, c'est vraiment une maladie du cœur. Et l'imam Ibn Hazm, qu'est-ce qu'il conseillait par rapport à ça? Par rapport à cette maladie, le fait qu'on est restreint, aigri, etc., toujours attaquer l'autre, on ne le comprend pas, donc on va l'insulter. L'imam Ibn Hazm a dit le remède, c'est l'évasion du cœur par bien sûr les actes obligatoires, voire surérogatoires, la lecture, l'amour, l'amour de la science. Ne pas avoir juste un actionnement automatique des obligations. On le fait parce qu'on doit le faire. Non. L'aimer et avoir la véracité, la sincérité par rapport à ça. Quand on lit, avoir une sorte de lien, une sorte d'amour avec cet ouvrage. C'est palpable, on le touche. Il a des références. Se dire qu'il y a plusieurs siècles en arrière, c'est un savant qui a écrit ça. Ça a été certes retranscrit, enfin, ça a été certes réédité, etc. Mais ça vient d'un homme qui a existé il y a 5-6 siècles. Et qui parle au nom d'Allah et du prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, c'est ça. Donc Ibn Hazm disait, il y a l'évasion du cœur et l'évasion corporelle, le fait de voyager, le fait de voir d'autres nations, d'autres cultures, de partager, de relativiser, bien sûr. Et quand je dis voyager, c'est bien sûr, c'est pas pour aller se taper Marrakech, hôtel 5 étoiles, non. D'aller voyager, voir les quartiers populaires, etc. Analyser, essayer de comprendre les autres cultures et compagnie, etc. Et ça joue beaucoup. Pas juste musulmane, hein, pas juste dans les pays musulmans. Donc le voyage aussi, ça peut beaucoup aider. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, voilà, et je peux comprendre, métro, boulot, dodo, le stress, on lit quelques livres, on écoute une, deux, trois conférences, et puis on se forge directement une idée, et puis on est sur la critique. Parce qu'on se dit, si je critique personne, je vais servir à rien. Donc on est dans la critique, non. Certes, attention, et je le répète, je tombe pas, il ne faut pas tomber dans l'angélisme, dans le francisalanisme, non. Bien sûr, il y a certains, malheureusement, hommes qui se prétendent comme étant imams et qui, bien sûr, travaillent pour l'État, sont de mèche avec eux, connaissent très bien les coulisses, mais il y en a d'autres, non. Qu'est-ce qu'un imam d'État, par exemple? Est-ce qu'on peut vraiment le définir? T'en as qui dit, ouais, c'est celui qui fait parler de politique, qui est apolitique et qui ne parle que de mariage. Est-ce que c'est assez, islamiquement parlant, pour le réduire à imam d'État? Imam d'État, c'est quand même une lourde accusation, si on creuse un peu plus. Et en même temps, de l'autre côté, qu'est-ce qu'un simple, soi-disant entre guillemets, djihadiste ou dissident de la rue? Non. Est-ce qu'on connaît le frère? Est-ce qu'on l'a rencontré? Est-ce qu'on connaît son cursus? Est-ce qu'automatiquement, avoir une licence à Médine fait de nous quelqu'un qui a compris l'islam? Cette OSCE-là, cette organisation à but religieux, est-elle le monopole de la science? Non. Il y a des frères autodidactes qui, masha'Allah, sont des perles. Et pour revenir maintenant aux prédicateurs, etc., moi par exemple, si on parle des prédicateurs, je ne vais pas citer les savants, les chouyours que j'écoute, parce que malheureusement, par sentimentalisme et par élan de passion, certains vont directement me catégoriser. Ah, il écoute ces savants-là, alors il est comme ça, alors que non. D'ailleurs, je suis éclectique dans l'écoute des savants, mais j'en ai des favoris. Mais si on parle des prédicateurs, moi personnellement, et ça n'engage que moi, je suis plus attiré par le discours, par la dialectique, etc. Du frère Tariq Abu Salman, par exemple, ça me parle le plus. D'autres vont être attirés, je ne sais pas moi, par exemple, par Rachid Abu Hanifa. Mais voilà, mais sans pour autant dénigrer, etc., on peut être contre certaines choses, mais moi, par exemple, Tariq Abu Salman me parle le plus. Pour moi, sa dialectique me parle plus. Je suis plus attiré vers ce genre de discours et surtout vers cette pédagogie verbale. Mais est-ce que pour autant on va cracher sur les autres parce qu'ils parlent que de mariage? Non. D'un côté, à un moment donné, on a le droit de poser des questions. Quelles sont les coulisses des prédicateurs? Qu'est-ce qui se passe? Et en même temps, celui qui parle de mariage, pourquoi parle-t-il de mariage? Parce que pour la simple bonne raison que c'est sa spécialité. quand il est parti, quand par exemple il est parti étudier à Médine, tu as différentes fractions, différentes options. Tu as la da'wa, tu as le hadith, tu as le fiqh, tu as le sharia, etc. Il a pris la da'wa qui explique, qui est un peu ce qu'on appelle, enfin, la da'wa basique, etc. Pourquoi il parle de mariage? Pour la simple bonne raison que c'est sa spécialité. Et qu'il ne veut pas parler d'autre chose. Après, on peut critiquer dans certains trucs. On attaque l'idéologie, mais pas la personne. On dit, voilà pourquoi certains prédicateurs qui sont, on va dire, devant un peu les caméras, ne disent pas, par exemple, ne font pas tout simplement comprendre au peuple qu'il y a une divergence, par exemple, concernant le vote. Voilà. Et ça, c'est une question dans laquelle voilà, laquelle on doit se poser et discuter avec les frères. Voilà. Pourquoi certains n'informent pas les gens qu'il y a une divergence sur le vote? Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup parmi les drarib, parmi les jeunes beurettes, comme on dit, les musulmans de la masse, etc. Certains n'étaient même pas au courant et sont maintenant, au moment où je vous parle, ne sont même pas encore au courant qu'il y a. Je parle même pas du fait d'avoir un avis tranché, mais ne fût-ce qu'il y a une divergence sur le vote parmi les savants. Et quand je parle des savants, c'est pas juste les savants saoudiens, comme certains aiment caricaturer. Que ce soit les Soudanais, que ce soit en Mauritanie, que ce soit même au Maroc, en Algérie, etc. et ainsi de suite. En Indonésie, même en Thaïlande, il y a certains chiours qui sont d'avis, par exemple, que le vote est illicite, et d'autres, non, mais dans certains cas, etc. Mais voilà, au moins, prévenir le peuple qui a ça. Donc, on peut discuter de ça avec eux et vice-versa. On reproche à un autre de parler que de mariage, et bien on discute avec lui. Pourquoi? Et puis voilà, il te donne la raison. Tout simplement. Je veux dire, ça sert à rien de rentrer voilà, dans cette optique à savoir je clash, tu me clash, tu me clash, tu me clash. Non. Après, bien sûr, et je me répète pour la troisième fois en 20 minutes d'audio, il faut pas tomber dans l'angélisme, en même temps pas dans l'extrémisme. Tout simplement. Moi, si vous voulez, je donne du crédit à n'importe qui du moment qu'il me ramène qar Allah, qar Rasoul. Ça peut être un pervers, ça peut être un fumeur de joint, ça peut être même un fan de Francis Lalanne avec un ukulélé et une chemise hawaïenne, je m'en fiche, je ne regarde pas la personne, je regarde les arguments, je fonctionne avec les arguments. Voilà. Donc n'importe qui vient me ramener je prends de lui si c'est vérifié avec la compréhension des salafs et la parole des chouïours. Voir leur qu'il c'est l'analogie, l'ijtihad par rapport à ça, faire des recherches. Je ne me suis pas réveillé un matin en disant, ah, pour moi le vote est interdit. Non, c'est en faisant des recherches. Mais là, je parle du vote. Pourquoi? Parce que bien sûr, c'est pas juste le seul sujet, mais c'est ce qui revient le plus souvent. Voilà. Et j'ai l'impression que, si vous voulez, il y a un peu, sociologiquement parlant, c'est intéressant parce qu'il y a un peu une sorte de réceptif extrême l'un à l'autre. On considère que certains prédicateurs sont impolitiques, donc on va être extrême par rapport au sujet du vote, etc. Et on va être frontal. Et ensuite, ces mêmes prédicateurs officiels reçoivent ses échos et voilà, et répliquent aussi. Et on a l'impression que c'est deux extrêmes. Donc il y a le côté apolitique et le côté trop politique, etc. Alors que l'islam est un tout. Voilà. L'islam est un tout. Et voilà. Et bien sûr, ceux qui restent têtus, bornés et qui sont loin des références orthodoxes et qui appellent à du shirk par rapport à l'adoration des tombes, hein, et puis ils t'insultent les compagnons de tous les noms, etc., qui ont une certaine croyance erronée. Même ceux-là, il faut aller les exhorter avec sagesse et bonne parole. Mais s'ils persistent et s'ils sont frontales et méprisants et bornés, bien sûr, le musulman a une sorte de fierté, l'aisance en lui. Donc à un moment donné, il va être frontal. La hikma, c'est être doux et dur en même temps, quand il le faut, à certains comptes, dans certains contextes. C'est ça que j'essaie de faire comprendre. Mais les frères qui vont écouter cette audio et qui vont se reconnaître, parce que je connais à peu près les frères des deux milieux, de ce qu'on peut appeler les prédicateurs officiels et de ce qu'on peut appeler les prédicateurs de rue, on est d'accord pour dire qu'on a tous le même référentiel, Qur'an Sunna, et surtout, ce qui est le plus important, parce que c'est là qui fait en sorte que tout se joue. Et ça a été le but de mon audio. On a les mêmes savants, le même référentiel des savants anciens, dont je tairai le nom, mais vous les connaissez, parce que si je les cite, il y aura encore des étiquettes venues par d'autres qui sortent un peu de la sphère. Voilà. Donc, c'est ça le truc. Voilà. De toute façon, Pharaon lui-même qui était vraiment l'orgueil par excellence, l'orgueil personnifié, lui-même, Moussa alayhis salam, a reçu l'ordre d'aller l'exhorter avec la bonne parole. Donc voilà, ce côté je critique, tu me critiques, je critique, tu me critiques, t'es mignon, t'es pas mignon, etc. Ça sert à rien. Je t'aime, tu m'aimes plus. Voilà, c'est pas du Gainsbourg, quoi. Je t'aime moi non plus. Non, mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que voilà, c'est prendre du recul, etc. Donc voilà, et j'ai fait cet audio aussi pour clarifier. J'ai fait des audios à l'époque, il y a 5-6 ans, quand j'étais, on va dire, un peu plus jeune. Hein, bien que j'ai pas encore la trentaine. Bon, être jeune, c'est variable pour d'autres. Mais je veux dire, j'ai fait des audios où j'étais un peu frontal à l'époque. qui s'appelle par exemple l'islam, bling bling, ou la médiatisation des faux prédicateurs. Voilà, j'étais, on va dire, imprégné d'une sorte d'élan, de vivacité, voilà, une sorte de rébellion, on va dire. Mais avec, voilà, on va dire, si je peux dire ça comme ça, avec l'âge, j'ai pris un peu de recul. Voilà, c'est comme Ibn Hazm le dit, c'est l'évasion du cœur et l'évasion corporelle qui font en sorte que le musulman commence à engendrer en lui une sorte, je ne vais pas dire de sagesse, d'acuité. Ça sera déjà beaucoup, mashallah. Et voilà, mais une sorte de parcelle de sagesse en lui, tout simplement. Donc voilà, j'invite les frères qui ont des divergences entre eux, surtout dans la toile, sur Internet, etc., de se rencontrer en vrai. De faire en sorte, c'est un jet de nefs, de voir un frère avec qui on a 1 milliard de divergences, d'avoir la plus belle des courtoisies avec lui quand on discute, quand on fait un débat. Et c'est important. Font partie des règles du débat, de la discussion, ces formes de politesse, de courtoisie, etc. Et se dire que quand même, c'est des frères avec qui la divergence n'est pas dogmatique. Et c'est de comprendre. Et surtout ne pas baser que sur la théologie, voir aussi le côté sociologique, psychologique. Pourquoi il a ce discours-là, par rapport à son passé, etc., les pressions qu'il a. Voilà. Moi, personnellement, je préfère rester un peu, comme on dit, une sorte d'autodidacte, vagabond, on va dire, qui ne préfère pas rentrer dans une structure ou dans une sorte de centre ou d'ASBL, etc., pour garder un peu, on va dire, ma liberté de ton, ma liberté de parole, etc. Parce que, voilà, je n'ai pas envie que le sentimentalisme se mélange avec mes convictions. Voilà. Parce qu'il y a certains qui vont parler de dîn en fonction de leur situation familiale, en fonction de leur situation sentimentale, etc., en fonction de leur situation amicale. Non. Hein? Et le meilleur exemple, c'est quand Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'agrée, quand un homme, durant la bataille, lui a craché dessus, l'a insulté, il ne l'a pas tué. Et quelques temps après, il l'a tué. Et quand les compagnons lui demandaient pourquoi ne l'as-tu pas tué le jour même où il t'a insulté et craché dessus, il a dit, si je l'aurais fait, je l'aurais fait pour mon nefs. Alors que là, je l'ai fait, Inch'Allah, fi sabilillah. Donc voilà, c'est le plus important. Et voilà aussi pour revenir, il peut y avoir aussi des divergences sur l'actualité. Par exemple, il y a ce qu'on peut appeler les complotistes et les anticomplotistes. Et donc, pour certains, on va carrément appliquer l'alliance et le désaveu, par rapport à ça, par rapport aux faits d'actualité. Non, ton frère peut avoir une certaine divergence sur les complots, etc. Ouais, 11 septembre, Macken, etc., qu'est-ce qui se passe? Et d'autres, voilà, mais ça ne va pas être une raison pour le hajal, pour le dénigrer, pour le rabaisser. Hein? Une divergence sur un fait d'actualité, même si je sais, certains vont dire, ouais, mais ça engendre et ça va découler d'autres choses encore plus importantes, d'accord, mais discuter avec lui, de voir pourquoi tu as cet avis, ouais, parce que voilà, certains disent que voilà, que si, que ça, donc tu es complotiste par rapport à ça, oui, et toi, si tu suis ça, tu seras l'idiot utile, mais toi aussi, tu es l'idiot utile parce que si, parce que ça. Voilà, discuter, ramener des preuves. À quoi ça sert de convaincre des convaincus? Ça sert strictement à rien du tout. À rien du tout. Donc voilà. Après, voilà, c'est un simple audio parce que je vois à peu près ce qui se passe dans la toile, etc. Et voilà. Et moi, je ne suis qui? Ben, je suis qui? Ben, je suis un singe. On s'en fiche en fait de qui je suis. Voilà. Je suis juste quelqu'un qui, ça se trouve, voilà, demain je vais crever. Ça se trouve, dans 1 heure, je serai sipé sous terre. On s'en fiche. Tout ce que je veux, c'est que les frères qui restent dans cette optique, à savoir, je critique et l'autre critique, et ainsi de suite, on a l'impression d'avoir, je sais pas moi, Laura Luciano, VS, je sais pas qui devant nous. Non, les frères qui sont là-dedans, qui sont dans cette optique-là, ça ne sert strictement à rien. Et je comprends à peu près, j'ai débattu, j'ai discuté avec des centaines de frères, que ce soit même en dehors de la sphère islamique, que ce soit des témoins de Jéhovah, que ce soit des cathos, que ce soit des déistes, des athées, des purs communistes, des nostalgiques de Karl Marx, que ce soit des soufis, que ce soit des gens qui se revendiquent comme étant salafim, qui suivent la doctrine rabéiste, que ce soit les chiites, que ce soit même ceux qui sont dans le khourou par rapport au tekfir, les extrémistes du tekfir, etc., par rapport aux jeunes vifs qui sont là, jihad, jihad, sans trop comprendre et qui scandent, ceux qui sont un peu plus réfléchis, un peu plus intellectuels, et puis les ikhwanos, on va dire, qui font confiance un peu à la démocratie. Enfin, voilà, j'ai discuté avec des centaines de frères et j'arrive à la conclusion suivante, il faut une sorte de monisme dialectique à la sauce musulmane. Hein, comprendront ceux qui pourront comprendre. Dans le sens où, voilà, il faut arriver à un moment où on doit se voir, discuter, etc. L'unité, tout simplement, l'unité avec comme étendard le tawhid pur. Voilà, tout simplement, discuter, ramener des preuves, tel chiour à réfuter ça par rapport à ça, toi qu'est-ce que tu me ramènes, etc. Voilà, et on se réfère tous aux savants, nous sommes qui? Nous sommes juste des facteurs, dans le sens où on ramène les avis de chiour. Bien sûr, on a notre esprit critique, il ne manquerait plus que ça, Allah dans le Coran nous le dit, nous en parle clairement, Ibn Qayyim en parle aussi par rapport au fait d'actionner sa raison, le rationalisme. Par rapport à certaines sciences, etc., du hadith, sont à négliger, à estomper. Mais je veux dire, la raison en elle-même, on l'a, on doit l'appliquer, on doit l'actionner à certains moments. Enfin, à certains moments. Alhamdoulilah, heureusement qu'on l'a. Mais voilà, nous sommes qui? Nous sommes juste des facteurs. On ramène ce que les chouyours disent. Qala Allah, qala Rasoul, la compréhension des salafs, ce que les chouyours disent, leur analogie et leur effort de compréhension. Tout simplement. Moi, je suis d'avis que, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne transmettez de moi ne fût-ce qu'une parole, qu'un hadith. Je suis de cet avis-là. Dans le sens où, comme on dit, si ta femme te demande si le vin il est haram ou pas, tu vas pas lui dire, attends chérie, je vais aller à Médine étudier 7 ans et puis je te donne la réponse. Non. Hein? Voilà. On est des facteurs dans le sens où, voilà. Puis, certains utilisent tous les supports qu'ils veulent. D'autres utilisent le support, je sais pas moi, internet, vidéo, audio. D'autres le support de conférences, d'événements. D'autres mettent, on va dire, entre guillemets, les mains dans le moteur et font un peu la da'wa dans la rue. Voilà, sans modestie aucune, c'est un peu mon cas. Et je préfère un peu le côté dans la rue, voilà, etc. Et voilà, les supports sont différents. C'est nous aussi là, c'est une sorte d'organisation par rapport, avec comme but, bien sûr, la religion. Et voilà, le plus important, c'est de se rencontrer, de discuter, inchallah, tout simplement. Sinon, ça va aboutir à rien du tout. Voilà. J'ai été trop gentil dans cet audio, ça me ressemble pas, je me fais peur là. Ça va pas. Bon, salam alaikum wa rahmatullah.